je n'oserais. Toi qui fis plus que je n'espérais, respectant toujours ma musique, priant que je ne te sois identique. Je t'écris, mais ne te jugerai. Toi qui vins lorsque je ne t'attendais, bravant les heures les plus critiques, mimant tes airs les plus cyniques, te voilà au pied de ton image. Qui suis même ce qui m'est défendu. Te voilà, auberge du rivage. Tu es seul juge, en es-tu convaincu? Je n'avouerai, toi qui fis ce que je rêvais, prenant les lignes toujours à risque, remontant sans cesse les obliques. Je te prie, comme on idéaliserait, mais ne le dévoilerait, étudiant jusqu'à tes mimiques, plagiant mais sans être identique. Mais te voilà au pied de ton image. Qui suis même ce qui m'est défendu. Te voilà, auberge du rivage. Tu es seul juge, en es-tu